Vous feriez cela? Vous braveriez les préjugés, la médisance? Vous ne craindriez pas de vous brouiller irrévocablement avec les Gémozac, alors que le père a votre fortune entre ses mains? Ma fortune, j'y renoncerai volontiers pour assurer le bonheur de toute ma vie, mais rien ne peut me l'enlever. J'ai trouvé dans les papiers de mon père l'acte de société signé par M. Gémozac. Dieu soit loué. J'avais peur que vous n'eussiez commis l'imprudence de vous en dessaisir. D'ailleurs, M. Gémozac est incapable de nier. Et quoi qu'il advienne de mes relations avec lui et les siens, je n'ai pas la moindre inquiétude, car je suis certaine qu'il ne me fera jamais tort d'un centime. J'avoue qu'il m'en coûtera d'être jugé défavorablement par le bienfaiteur de mon père, mais je lui expliquerai ma conduite, et je n'aurai pas de peine à la justifier. Et vous consentiriez à partir avec moi, ce soir ? Non, mon ami. Si indépendante que je sois, je ne pousserai pas si loin le mépris de l'opinion des sots. On ne manquerait pas de dire que vous m'avez enlevé, et je ne veux pas qu'on le dise. J'irai vous rejoindre à Londres, Brigitte sera du voyage, et quand nous reviendrons en France, je serai votre femme légitime. Nul n'aura le droit d'y trouver à redire. Mais je ne partirai pas avant d'avoir su à quoi m'en tenir sur l'étrange événement que M. Gémozac vient de nous apprendre. Quoi ? Vous vous préoccupez encore de ce canard éclos dans le cerveau d'un journaliste à court de nouvelles ? Comment ne m'en préoccuperai-je pas ? Quelque chose me dit que l'enfant sauvé du désastre, c'est le fils de l'ennemi de Zigzag. C'est ce Georget dont vous avez si souvent parlé. Je n'ai jamais voulu croire qu'il m'ait trahi. Je ne partage pas votre confiance, ma chère Camille. Mais quoi qu'il en soit de la fidélité de ce petit drôle, soyez sûr que si c'était lui qui a sauté en l'air, il n'aurait pas manqué d'accourir ici. Il est peut-être blessé, ou qui sait, on l'a peut-être mis en prison, comme complice des contrebandiers. Et que dira-t-il si on l'interroge ? Il parlera de Zigzag, de moi, de vous. C'est possible, mais qu'y faire ? Allez le voir, le prier de vous raconter ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas où il est, mais je le saurai aujourd'hui, car je vais me faire conduire à la porte de Saint-Ouen et à la Maison Rouge. Je questionnerai les employés de l'Octroi, les gens du quartier des Épinettes. Et vous vous compromettrez horriblement, je vous en supplie, ma chère, renoncez à ce projet. Et si vous tenez absolument à ce que l'enquête soit faite, permettez-moi de m'en charger. Vous, Georges, vous qui devez partir ce soir ? Je puis remettre mon voyage de 24 heures. Je préviendrai par une dépêche l'ami qui m'attend. Et je vous verrai demain. Oh, alors j'accepte votre proposition. Promettez-moi seulement que la journée ne se passera pas sans que j'aie des nouvelles de Georget. Ou du moins de l'enfant qu'on a ramassé près de la Maison Rouge. Ce n'est pas précisément la même chose. Enfin, je ferai de mon mieux. Mais je vous le demande en grâce. Répétez-moi encore que vous viendrez me rejoindre à Londres. J'ai tant de peine à croire à mon bonheur. Je vous l'ai promis, et je n'ai qu'une parole. Georges de Ménestreau fit un mouvement pour tomber à ses genoux. Elle l'arrêta. « J'entends la voix de Brigitte, dit-elle. Je l'ai envoyée faire une commission, et elle va certainement monter ici. Mais c'est singulier, on jugerait qu'elle pousse des cris de frayeur. » Au cri succéda le fracas d'une porte fermée avec violence, et un instant après, Brigitte, pâle et chevelée, les yeux hors de la tête, se précipita dans le salon. « Qu'as-tu donc ?» lui demanda Camille, effrayée. La vieille servante articula péniblement ces mots. « Le chien !» « Quel chien ?» demanda tout ébahi mademoiselle Monistrol. « Le chien du paillasse !» répondit Brigitte avec effort. Camille tressaillit, et M. de Ménestreau lui-même ne put réprimer un mouvement d'émotion. « Où est-il ? » reprit la jeune fille d'une voix altérée. « Dans la cuisine, mademoiselle, et c'est bien heureux que j'ai pu l'y enfermer, car il n'a plus sa muselière, et il nous dévorera tous. Il a l'air de n'avoir pas mangé depuis 8 jours. Enfin, comment est-ce arrivé ? Voilà, je rentrais avec mon panier au bras, et je venais d'ouvrir la porte de ma cuisine, quand j'ai senti comme un gros pavé qu'on m'aurait jeté dans les jambes, même que j'ai manqué de tomber, les 4 fers en l'air. Mais je me suis tenu après le battant, et j'ai vu la vilaine bête qui avait sauté du cou sur mon fourneau. Elle s'est retournée contre moi, et je n'ai eu que le temps de pousser la porte que je n'avais pas lâchée. Si j'avais perdu la tête, le chien m'étranglait net, et il serait monté ici pour vous en faire autant. Mais il ne s'échappera pas, la fenêtre est trop haute, et j'avais eu soin de fermer les volets avant de partir en course. « Tenez, entendez-vous la vie qu'il fait là-dedans ?» On entendait en effet des coups sourds et répétés. « Saute, sale bête !» grommelait Brigitte. « La porte est solide, et tu t'aplatiras le museau. »« Seulement, s'il continue, il va casser toute ma vaisselle. Comment faire, mon Dieu ?» Camille, aussi embarrassée que la vieille bonne, regardait Georges de Ménestreau, qui semblait méditer sur ce cas imprévu. « Si nous pouvions le museler et l'attacher, dit mademoiselle Monistrol, il nous ferait retrouver Zigzag. » « Recommencer l'expédition de l'autre nuit ? » s'écria Brigitte, en levant les bras au ciel. « Avec ça qu'elle vous a bien réussi. cette fois vous n'en reviendriez pas. Ce serait une folie, mademoiselle, dit enfin monsieur de Ménestrault. Et d'ailleurs, vous n'atteindriez pas votre but, car je constate que ce chien ne possède pas les aptitudes miraculeuses que lui attribuait ce paillasse. S'il est maintenant son maître, il ne l'aurait pas quitté. Et s'il est revenu ici, ce n'est pas Zigzag qu'il y cherche, puisque Zigzag n'y est pas, à moins de supposer qu'il reconnaît tous les endroits où Zigzag a passé. Et la supposition serait absurde. Alors, comment expliquez-vous? De la façon la plus simple. Comme beaucoup de ses pareils, ce chien a la mémoire des lieux. Son maître l'aura chassé ou perdu volontairement, craignant sans doute que l'animal le fît reconnaître. Un dogue ne peut pas se transfigurer comme un homme, et celui-là est connu de tous les saltimbanques. Zigzag, qui a dû se faire une nouvelle tête, ne voulait pas garder avec lui une bête qui doit jouir d'une grande notoriété dans les foires des environs de Paris. Il s'en est débarrassé, et l'animal a dû errer par les rues cherchant sa nourriture. Il a fini par arriver place du Trône, où il avait séjourné. En rôdant sur le boulevard Voltaire, il est passé devant la maison, et il s'est rappelé qu'une fois il était entré là. La barrière était probablement ouverte. Il n'a fait qu'un saut jusqu'à la cuisine. « C'est bien possible, » murmura Camille, qui n'était qu'à moitié convaincu. « Et je suis d'ailleurs de ne pas l'y laisser, » conclut M. de Ménestrault. « Le lâcher, alors ?»« Non pas. Je ne serais nullement surpris qu'il fût enragé, et quand même il ne le serait pas, il ne ferait pas bon se frotter un animal de cette taille et de cette force. » « Pas moi, toujours, » dit Brigitte entre ses dents. « Qu'en ferons-nous donc ?» demanda Camille. « Ce que les agents de police font des chiens suspects. Il faut le tuer tout bonnement. »« Le tuer, ce ne sera pas facile. »« Je m'en charge, mademoiselle. Depuis qu'il m'est arrivé des aventures une nuit dans la plaine Saint-Denis, j'ai toujours un revolver dans ma poche. »« Je ne veux pas que vous vous exposiez. »« Oh, je n'entrerai pas dans la cuisine. Je le canarderai de loin. Les volets de la fenêtre doivent avoir des trous. » « Deux, » fit vivement Brigitte. « Monsieur Alain a une fameuse idée. »« Eh bien, ma brave femme, conduisez-moi à la bonne place. Mademoiselle restera ici. Il est inutile qu'elle assiste à ce vilain spectacle. »« Je veux tout voir, » répliqua mademoiselle Monistrol, « et je veux être au danger, s'il y en a. »« S'il y en avait, je vous empêcherais de descendre. Mais il ne peut y en avoir aucun. Venez, mademoiselle. » Brigitte se précipita dans l'escalier. Sa maîtresse la suivit et Georges ferma la marche. En passant devant la cuisine, ils entendirent non pas des aboiements, mais des hurlements rauques, enroués, qui constituent un des symptômes caractéristiques de la rage. « Ma chère Brigitte, dit monsieur de Ménestrault, vous l'avez échappé belle. Si ce chien vous avait mordu, vous seriez morte dans des souffrances atroces. »« Ne m'en parlez pas, monsieur. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Dépêchez-vous de le tuer. » Ils sortirent tous ensemble, et Brigitte les mena devant les volets hermétiquement clos qui protégeaient la fenêtre de la cuisine. Monsieur de Ménestrault regarda par un des vasistas percés au bas des planches et dit « Je le vois, diable. Il y a au moins 6 pouces d'intervalle entre les volets et les vitres. Le tir ne va pas être facile, d'autant qu'il ne fait pas très clair là-dedans. » Il n'avait pas achevé qu'un bruit de carreau brisé le fit reculer. Vigoureux l'avait vu ou l'avait senti, et il s'était lancé à toute volée contre les vitres. « Bon, reprit Georges, ce sera plus commode. » Et il arma son revolver. Le chien sauta encore et cette fois il parvint à se cramponner sur le rebord intérieur de la fenêtre. Le verre craqua sous l'effort de sa tête puissante et le carreau était assez large pour qu'il y pût passer. Il passa en se déchirant et il vint montrer au trou du volet son mufle ensanglanté. À cette apparition, Camille et Brigitte reculèrent d'effroi et en vérité il y avait de quoi. La tête de Vigoureux passait à moitié par le trou du volet. Le poil hérissé, les yeux pleins de sang, la gueule ouverte, la bave aux dents, il poussait de toutes ses forces, en hurlant à donner le frisson. Il regardait fixement M. de Ménestrault, qui n'avait pas bougé, et qui le visait avec son revolver. Le coup partit, et il était temps, car les volets ébranlés craquaient sous l'effort de la bête furieuse. Elle jeta un cri de douleur, mais elle ne tomba point en arrière. M. de Ménestrault avait tiré de très près, et cependant la balle avait un peu dévié. Au lieu de briser le crâne de l'animal, elle lui avait percé le mufle, au-dessous des yeux. Si brave qu'on soit, on ne tire pas presque à bout portant sur un chien enragé, sans éprouver quelque émotion. Et la main du vaillant fiancé de mademoiselle Monistrol avait dû trembler. Et chose étrange, au lieu de se retirer pour éviter les coups, Vigoureux, douloureusement blessé, redoublait d'efforts pour forcer le passage. « Éloignez-vous, ma chère Camille !» cria Ménestrault en réarmant son revolver. Camille ne bougea pas. Cet horrible spectacle la fascinait, et elle n'en pouvait détacher ses yeux. Ménestrault fit feu une seconde fois, et sans beaucoup plus de succès. Il creva l'œil du dogue, mais il ne parvint pas à l'abattre, et cette nouvelle blessure ne fit qu'exciter le monstre, qui, d'une violente secousse, fit sauter le crochet mal attaché. Le volet céda et vigoureux vint rouler sur le sable de la cour. Brigitte s'enfuit en criant, et Ménestro s'élança pour couvrir Mademoiselle Monistrol, qui était restée résolue à partager le sort de l'homme qu'elle aimait. Il avait encore 4 balles dans son revolver, mais le chien n'était pas frappé à mort, et il ne présentait plus sa tête comme une cible enchâssée dans le trou d'une planche. Il s'était très vite remis sur ses pattes, et il lui restait bien assez de force pour se jeter sur son bourreau. Mais au lieu de bondir, il se traîna lentement vers lui, en gémissant d'une façon lamentable. Monsieur de Ménestreau, profitant de ce répit tout à fait inespéré, l'ajusta à loisir en plein corps, et d'un troisième coup lui cassa les reins. La balle brisa la colonne vertébrale à la hauteur des hanches. Vigoureux s'affaissa sans crier, et en s'aidant de ses pattes de devant, il se mit à ramper sur le ventre, en regardant toujours Georges de Ménestreau. On eût dit qu'il lui demandait grâce, et qu'il lui reprochait de le traiter si cruellement. Il ne réussit pas à l'attendrir. Un dernier coup le frappa entre les deux épaules et le renversa sur le dos. L'œil qui lui restait se rouvrit encore une fois, se fixa sur l'exécuteur impitoyable et se referma pour toujours. « Enfin, il est mort, » dit entre ses dents M. de Ménestreau. « Il ne fera plus de mal à personne. » Mais il avait la vie dure. J'ai cru un instant que je n'en viendrais pas à bout. Vous avez dû avoir bien peur. Pour vous, oui, et j'avoue que l'agonie de cette malheureuse bête m'a profondément ému. Je comprendrais cela s'il s'agissait d'un chien quelconque, mais si vous êtes sûr que celui-là appartenait à Zigzag, absolument sûr, interrogez Brigitte et elle vous dira que c'est bien lui, acheva la vieille servante, qui reparut tout à coup sur le champ de bataille. Il n'y en a pas de pareil. Alors reprit M. de Ménestreau, il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser de sa carcasse. Apportez-moi une bêche, je vais l'enfouir dans une de ses plates-bandes. Ah mais non, par exemple. Vous voulez donc que nous attrapions la peste? Laissez-moi faire, monsieur. « Je le traînerai sur le boulevard Voltaire, et je l'y laisserai. La police se chargera de l'enlever. »« N'y manquez pas, au moins. »« J'y veillerai, mon ami, » dit Mademoiselle Monistrol. « Maintenant, permettez-moi de vous rappeler que vous m'avez promis de vous informer de ce pauvre enfant. »« J'y vais de ce pas, à la Maison Rouge d'abord. »« Et si je n'y recueille aucun renseignement positif, j'irai en demander au commissaire de police du quartier des Épinettes. »« Merci, j'attendrai impatiemment votre retour. Ne me faites pas languir. » « Je n'en regarde, puisque c'est la condition que vous mettez à votre départ pour l'Angleterre, et je ne désespère pas de vous rapporter aujourd'hui même des informations certaines. Vous ne comptez pas sortir ?»« Non, mon cher Georges, je ne suis pas encore remise de la secousse que je viens d'éprouver. Cette scène m'a bouleversée. J'ai besoin de me reposer pour me remettre. »« Allez, mon ami, et revenez vite, » conclut Camille, en serrant la main de son amoureux, qui s'éloigna au pas accéléré. Brigitte assistait à ses tendres adieux, et à son air enfrogné, on voyait bien qu'elle n'était pas contente. « C'est donc vrai que vous voulez partir ? » demanda-t-elle brusquement à sa maîtresse. « Oui, » répondit avec un peu d'embarras la jeune fille. « Mais nous ne nous quitterons pas, je t'emmènerai. »« Moi, à Londres, dans le pays des Goden ?»« Jamais de la vie. J'y mourrai de chagrin au bout de 2 jours. Je suis comme les vieux arbres qui sèchent sur pied quand on les transplante. Et puis l'Angleterre, voyez-vous, mademoiselle, c'est trop loin de Montreuil les pêches. » Sans compter, reprit-elle d'un air grognon, que si vous y allez pour vous marier avec ce beau brun, vous ferez une fameuse bêtise. Je sais bien que ça ne me regarde pas, mais tant pis, c'est lâché. J'avais ça sur le cœur, il fallait que ça sorte, et je voudrais que votre pauvre père fût là pour m'entendre. C'est pas lui qui vous conseillerait de suivre un monsieur que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Tu oublies qu'il m'a sauvé la vie, interrompit Camille. Allons donc, il devait être d'accord avec les voyous qui vous ont tombé dessus. Cet homme-là n'en veut qu'à votre argent. Parlez-moi de l'autre, le blond. « On sait qui il est, celui-là, et il vous aime pour vous-même. »« Assez, » dit impérieusement Camille, d'autant plus irritée des observations de Brigitte qu'elle en reconnaissait jusqu'à un certain point la justesse.